Bonjour monsieur, vous avez une table libre là-bas. Et voici la carte. Merci monsieur. Je voudrais une formule à 12 euros avec une salade au chèvre chaud et un saumon grillé avec du riz, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un petit verre de blanc. Nous avons du muscadet et de l'aligoté. Alors un petit verre d'aligoté, s'il vous plaît.